quand il a un mouvement, c'est quoi, ok? Nicole, Chantal, Véro, oui, Zabongo, papa, papa, y'a beau tabino. Jean-Claude Mokonzi, Marius Gangale. Papa Leki Dolina, Missolina, oh. Chandal et Paya Chela. Chantal, papa mon pico a bossé pour la Charlie Mareza. Jovic.